Yo, casse dédiée à tous les frères qui ont passé au projet. Okay. T'inquiète pas, j'en place une pour Dino qui la bise. Normal. J'arrive en improvisation, on cherche le bise. Nique sa mère le bise, on n'est pas là pour faire la bise. Casse dédiée à Ursa Majeur, ça c'est mon équipe. Hein. On donne tout ça, ouais, négro dans nos tripes. Hein. Casse dédiée à T-I-N-O, tu connais aucune chance. Comment ça, mon frère, on est là, nique ça. Même si on kick ça comme des dicks, ça comme dit AKI la machine. Pour l'instant, je rappe comme une machine. Comme dit mon poteau, tu connais, ouais, Ballester. On rappe négro, on est déjà déter, on est pépère. Avec mon pote SB, comment ça pas de JP? Rien à foutre à Star si ça t'effrit. De 2JMC, tu connais le blason. Casse dédié à Busta, qu'est-ce que t'as? On est là, on baisa, qu'est-ce qui se passe? On sera là, demande à tous la supporteuse. Comment ça tape deux dans le buzz? Et oui, casse dédié à mon poteau de SB. Gonzalez, on sera là frère, on écarte pas nos fesses. On continue encore, demande à Bilou. Quand on rappe dur, tu vois qu'aussi on a une dalle de loup. Hey, tu connais l'équipe d'artifice, comme dit mon pote, tu vois, on a les vis des crevisses, on pisse sur la police. Casse dédié à Yoda, appelle-moi Baba. Le rap, non, c'est mon dada. T'inquiète, Diwan, Chiro, et on vient déchirer. Au micro, j'ai les crocs, comme dit négro centrique. T'inquiète pas, on garde la trique, hein, pas de panique. Hein. C'est normal qu'on fait tourner les gens en bourrique. Hein. Demande à tout face, prends ça dans ta face. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Trop de tasse qui passe. Hein. Ah ouais, derrière marché noir, viens au marché noir. T'inquiète, mes frères qui tapent dans le noir. Même si mon frère, tu connais stress. Si t'as le stress, comment ça frère, s'il te plaît, décompresse. C'est pas Bali qui casse dédié à mon pote Evil. Comment ça on peut rapper, ouais, dans ta ville. T'inquiète pas, y'a pas de débile. Et je remercie à tous les gens qui représentent et qui représentent encore et encore. Là c'est de l'improvisation, première section. Et ouais frère, toi-même tu sais. C'est pour tous les potos qui soutiennent, de loin ou de près, c'est clair. Les rageux, les poucaves. Ouais gros, Hip Hop Soldier, 93-200. On est encore là, gros. On lâche pas l'affaire, toi-même tu sais. Casse dédié à tous les mecs, les personnes, l'Afrique. Je sais plus, tu vois ce que je veux dire. Mon quartier, Saint-Denis. Tous les quartiers de France, ma famille, normal. Mon daron, ma daronne. Eh ouais, Dieu tout puissant, gros. Eh ouais gros, on lâche pas mec. Au petit de Montcheka, on présente ma mère. Ah les gens qui vont écouter mon album, c'est clair. Eh ouais, mon carrière insolide. Ceux qui vont même pas écouter aussi. Bah mais tu sais. Et là, lâche pas. Même tu sais, Ursa Majeur, ça c'est mon équipe. Si Dieu le veut, on sera encore là. Encore là, même. Ouais, gros. Représente.